Vous écoutez la Minute Conseil Gamme Vert. Vous vous demandez quand arroser votre orchidée. Le bon moment, c'est quand les racines deviennent ternes et grisâtres. Un conseil d'expert, en plus d'un joli cadeau pour briller aux yeux de votre maman pour la fête des mères. Et jusqu'au 3 juin, Gamme Vert vous propose l'orchidée 3 tiges avec cache-pot en céramique à 12,95€. 12,95€. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La nuit, ou plutôt les nuits, mais quel sublime sujet d'étude. C'est le thème de Mode Pratique, la formidable revue d'histoire du vêtement et de la mode. Pour son cinquième numéro, s'y croisent des fêtards, des noctambules, des nonnes, un travesti cambrioleur, des nuits berlinoises, des bals costumés aussi. Le vêtement de la nuit qui peut être l'objet de scandales, mais comme on le dit chez Scandale, là où il n'y a pas de gaine, il n'y a pas de plaisir, Mode Pratique, la fête jusqu'au bout de la nuit. Bon voyage et reviens vite mon chou. Attends mon chéri, j'ai oublié ma gaine 18h. Oh, je l'ai sur moi. Au revoir. Gaine ou combiné 18h de Platex, si confortable qu'une fois mis, on les oublie. Le secret, cette matière exclusive. Elle vous maintient fermement et elle est extensible dans tous les sens. Pour votre plus grand confort, pendant des heures et des heures. Et quelle ligne. Gaine ou combiné 18h de Platex, pour oublier que vous portez une gaine ou un combiné. Mais nous l'oublions pas, cette gaine est très importante. Bonjour Gabriel Houbre. Bonjour. Je suis sûr que cette gaine aurait plu à Alfred Noël. Ah, c'est très vraisemblable. Connaissant son goût pour les vêtements et surtout la lingerie féminine, il se serait jeté dessus. Vous avez livré un article pour ce numéro 5 de Mode Pratique autour de ce personnage absolument incroyable. Qui est-il? Alors, Alfred Noël, c'est un peintre en bâtiment, petit milieu populaire, mais lettré, enfin sachant lire et écrire, hein, travaillant de jour, ayant une activité professionnelle tout à fait régulière, gagnant bien sa vie, étant très apprécié. Et la nuit, il vole, dans son milieu d'ailleurs, et il aime voler habillé le plus souvent en femme. Et d'ailleurs, dans ce qu'il vole, c'est essentiellement des vêtements. Et dans ces vêtements, c'est très largement, majoritairement, des vêtements de femmes. Et le must, pour lui, ce sont les bas, puisqu'on retrouve dans sa chambre 113 paires de bas féminins, ce qui fait quand même beaucoup. On touche à la collection, là, au fétichisme. On touche au fétichisme. Alors, moi, je suis historienne, j'aime pas poser des diagnostics médicaux, donc j'emploie pas le terme de fétichiste dans l'article, mais entre nous, je pense qu'on peut le dire. Malgré tout, vous utilisez les sources, et puisqu'il y a eu procès, il y a eu réflexion autour de... Faut-il une expertise médicale d'ailleurs? Est-il, étant travesti, quelqu'un qui est déviant? Et c'est intéressant hein, de voir que justement la justice s'interroge. Ça ne va pas jusque-là d'ailleurs, le travestissement n'est pas mis en avant au moment de le condamner. C'est plutôt le vol qui gêne. Oui, c'est-à-dire en fait ça dérange beaucoup le juge d'instruction, cette affaire de déguisement, comme il l'appelle, en femme. Et surtout, ce qu'il veut éviter, le juge d'instruction, c'est justement l'expertise médicale et le diagnostic de démence ou de folie, parce que dans ces cas-là, il n'y a pas de responsabilité pénale et il n'y a pas de procès et on suspecte toujours ces inculpés de jouer justement la folie pour échapper à la prison. Mais donc oui. Voilà, c'est comme ça que ce jeune homme qui est un bon garçon, vraiment le bon garçon, le bon fils, enfin à part qu'il meurt comme il manque comme un arracheur de dents, mais à part ça, bah il va quand même finir par se retrouver au bagne. Oui, parce qu'il est incorrigible. Hein. Dès qu'il est libéré, il recommence. Bah c'est plus fort que lui. Hein. Les nuits d'Alfred Noël, travesti cambrioleur, archives de la police judiciaire de l'Hérault. Nous sommes en 1887 hein, avec cet Alfred Noël. Gabriel Houbre, dans la démarche de l'historienne, étudier un tel cas nous apprend énormément autour de la mode, autour des vêtements, parce que c'est un bon moyen. Souvent, ce sont les inventaires après décès qui nous disent ce qu'il y a dans les armoires. Eh bien non, là, grâce à ce voleur, nous savons ce qu'il y avait dans les armoires. Oui, parce que nous avons, et ça c'est une chance, le dossier de procédure. Et dans le dossier de procédure, on a énormément de pièces judiciaires. On a évidemment les interrogatoires, mais on a aussi les ordonnances. Et on a eu le récapitulatif de tous les vêtements par le menu. Et ça fait quand même une belle liste à la Prévert de tout ce qu'il a pu chaparder, parce qu'il a quand même volé 21 fois pour ce procès. 21 fois, c'est quand même beaucoup. Et donc, on a, alors moi, je ne les ai pas tous en tête, mais on a des choses abracadabrantes, puisqu'en fait, il prend tout bon. Alors vraiment, ce qu'il préfère, c'est les bas, mais ça peut aller jusqu'à la palatine, qui est ces espèces de petites étoles en fourrure qui montrent d'ailleurs qu'il y a du bien quand même dans ces milieux populaires. C'est la frange supérieure des milieux populaires. Et puis, il y a ces tournures, ces poufs qui sont utilisées par les femmes pour qui sont attachées autour des hanches et qui permettent de donner un peu de volume aux fesses. Ce qu'on appelle les faux culs. Voilà, les faux culs et qui permettent aussi de souligner la finesse de la taille de ces dames. Et ça montre aussi que ces femmes des milieux supérieurs des ouvrières, ce qu'elles ont en tête, c'est la silhouette des bourgeoises. Parce que ça, en fait, c'est un mimétisme de la silhouette des bourgeoises. Et du côté masculin, dans les vêtements, quand il prend des vêtements masculins, on trouve par exemple le gilet, la veste, et ça c'est aussi copier le vestiaire pour les hommes, cette fois-ci le vestiaire bourgeois. Et c'est une espèce de reconnaissance sociale pour ces ouvriers que de réussir à copier plus ou moins les bourgeois, avec notamment aussi la présence de quelques chapeaux. Oui, et puis après, ben, on a ces beaux vêtements et Alfred Noël arrive et paf, il les chaparde. Ça énerve quand même, mais c'est une histoire très intéressante parce que nous sommes ici à la croisée de l'histoire sociale, pourquoi pas de l'histoire économique, en voyant oui, l'intérêt qu'il y a pour ces classes populaires d'acheter des objets qui coûtent cher quand même. Hein. Ça coûte cher pour les ouvriers. Alors je dirais aussi histoire du genre, parce que c'est quelque chose qui est fondamental dans cette histoire. Et il faut aussi souligner la dextérité et l'audace de ce voleur, puisque et en même temps, j'allais dire la gentillesse et l'élégance, puisqu'il ne fracte rien, il ne fait qu'entrer dans des portes qui ont été laissées ouvertes, mais il va jusqu'au lit de la personne qui dort, puisque nous sommes donc, c'est vraiment vers 3-4 heures du matin, et il arrive à voler les vêtements qui sont posés ou sur le lit ou sur un meuble juste à côté du lit. Quand on y songe, mettez-vous dans cette situation, c'est très désagréable de savoir que quelqu'un est passé dans la nuit pour vous prendre vos vêtements. Le travestissement, c'est quoi? C'est juste un déguisement, comme le dit le juge au moment de l'instruction, pour ne pas être pris, pour ne pas être reconnu, ou autre chose? Alors ça, on ne sait pas très bien. Moi, en fait, j'étais tombée sur lui en travaillant sur les transgenres, comme on ne disait pas évidemment au 19e siècle, parce qu'il y a évidemment des personnes transgenres déjà au 19e siècle, mais je ne l'ai pas la classée dedans. Donc c'est pour ça que j'étais très contente de pouvoir en parler dans ce numéro formidable. Ce qui est sûr, c'est qu'il aimait se travestir en femme. Alors après, il enferme tous ses vêtements dans une chambre qui est très étroite. Moi, ce que j'aime, c'est l'idée de musée personnel, c'est-à-dire les vêtements sont détachés de leur valeur marchande parce qu'il ne les revend jamais, il garde ça pour lui, bien soigneusement. Il en prend quelques pièces pour se travestir, pour aller voler la nuit. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Est-ce qu'il y a une sexualité, par exemple, à partir de ses vêtements? Chacun est libre de penser ce qu'il souhaite. Moi, je n'ai pas voulu surinterpréter la situation. Ah oui, là, vous vous attachez aux sources, aux sources, aux sources, et elles sont sublimes, ces sources policières. Bonjour, Emmanuel Charpie. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et le créateur de cette revue Mode Pratique. Déjà, le nom Mode Pratique avec ce S, alors on voit bien, parce qu'il y a un côté... Alors, pas tant pluridisciplinaire, même si ça l'est évidemment pluridisciplinaire, que à la croisée de plein de champs de recherche. Oui, alors d'abord co-créateur, hein, c'est très collectif depuis le début. Oui, Mode Pratique, en fait on a repris un titre d'une revue qui existait dans les années 1910, mais c'était au singulier effectivement, et on est passé au pluriel. En fait, quand on a cherché un titre pour la revue, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait le mot mode parce que ça fait vendre. Et puis qu'on voulait parler des pratiques sociales. En fait, c'est ça qui nous intéresse. On vient de le voir, on vient de l'entendre. C'est ce qu'on fait des vêtements, comment on les utilise socialement, les usages. Donc voilà, Mode Pratique nous paraissait un titre assez. Et puis il y avait un côté un peu ringard aussi qui en mode peut être devenir vintage parfois même. Et l'autre chose, c'était effectivement le pluriel, c'est aussi de voir toute la diversité des pratiques. Et par rapport à d'autres revues qui existaient sur la... Alors en France, il n'y en a pas vraiment sur l'histoire de la mode, mais plutôt, on va dire, aux États-Unis, en Angleterre, ce qu'on appelle les Fashion Studies. C'est plutôt des revues très théoriques. Et là, on avait, nous, envie de rentrer sur le vêtement vraiment par le quotidien, par les pratiques ordinaire, enfin le quotidien parfois exceptionnel, hein, mais donc voilà, c'était aussi cette idée des pratiques, et le pluriel effectivement c'est à la fois la diversité des pratiques qu'on essaye de restituer, et puis effectivement de faire dialoguer aussi des anthropologues, on va dire qu'il y a un cœur d'historienne et d'historien, mais il y a tout un tas d'autres disciplines qu'on essaye de mobiliser. Des pratiques de tous les jours et de toutes les nuits, parce que ce numéro 5 est consacré aux nuits. Là aussi, nous sommes face à un nouveau champ disciplinaire qui croise celui de l'étude des modes, c'est la nuit. Bonjour Corinne Legoix. Bonjour. Mais dans ce monde-là, celui très particulier de la nuit, il y a un regard à porter avec tout ce qui est dissimulé, et on l'a évoqué avec Alfred Noël, ce cambrioleur travesti. Et puis après, il y a quand même une institution de la nuit, au sens où il y a même des lieux, et on le sait bien, ils existent toujours, peut-être différemment que par le passé, pour accueillir les gens. C'est ce que vous avez étudié dans ce numéro de mode pratique. Vous, c'est un peu plus les bals costumés. Mais il faut rappeler combien ils ont été importants. Ce sont pleinement les bals costumés et masqués sur lesquels je travaille depuis un petit temps. Et effectivement, ce que l'on a perdu, c'est à quel point ces nuits costumées et masquées ont rythmé les nuits parisiennes, et pas seulement parisiennes, mais moi, pour une des raisons d'ampleur, je m'intéresse aux nuits parisiennes, ont rythmé les nuits parisiennes de la monarchie de Juillet jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ça a continué ensuite, mais sans doute sur des échelles et des registres un peu plus figés. Il faut imaginer que entre décembre et mars, classiquement, qui correspondait à la période de carnaval, puis ensuite, plus tard, les bals masqués costumés publics vont jusqu'à l'été. Il y a certains soirs dans Paris, dans les mêmes rues ou dans des rues voisines, des bals masqués et costumés organisés qui drainent entre 1000 et 4000 personnes. Et donc, la police est sur les dents. La police est sur les dents avant les bals, parce que les gens costumés déambulent dans l'espace nocturne de la ville, qu'ils drainent un public considérable, et donc ils sont surveillés, on vérifie que tout se passe bien. La police est sur les dents pendant les bals, parce que les bals travestis, costumés, le terme est indifféremment employé, il n'a pas de connotation sexuelle, etc. Travestis, costumés et masqués sont des bals qui sont générateurs de plus de troubles que les bals ordinaires. Et la police est sur les dents à la sortie, parce que les gens sortent dans des états souvent plus altérés que quand ils y sont rentrés. C'est-à-dire, ils ont bu, parfois ils se sont battus, parfois ils ont été volés, détroussés, et ils errent souvent plus débraillés à 5 heures du matin dans Paris. Et ce qui est très intéressant dans cette question de la nuit, c'est quand la nuit rencontre le jour, quand la nuit rencontre le petit matin travailleur, le petit matin des familles qui partent. Et ce qu'on voit en fait surgir, c'est, et peut-être qu'on en est, je ne sais pas si on en est les héritiers, mais une sorte finalement d'intolérance un peu grandissante au surgissement et au déploiement des fêtards dans le Paris matinal. Ouais, c'est ça. Ça perturbe les riverains. Ouais, ça perturbe. Et il y a la montée des protestations. Alors, ça se voit énormément pour le bal des Quasars, qui est un bal particulier, qui est le bal des étudiants des Beaux-Arts, qui est privé officiellement, mais qu'en réalité est public. Et les étudiants des Beaux-Arts finissent nus à 5h ou 6h du matin. Et là, les gens se plaignent. Mais ça vaut pour beaucoup de ces bals publics. Avec quelque chose qu'il faut souligner, parce que ces bals publics, costumés travestis, ont complètement disparu, touchent l'ensemble de la population. Oui. Ça va être populaire, mais au plus près des élites. Oui. Et sous le Second Empire, l'empereur, l'impératrice participent au bal. On n'imagine pas aujourd'hui notre président ainsi que son épouse dans un bal costumé. Oui, c'est ça, c'est bien ce qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire au tout début de la période, si on prend le début du 19e siècle, la Restauration, ce sont des bals qui sont héritiers d'usages de cour. Et en réalité, ce qui se joue, puisqu'il faut avoir en tête, ce qui est assez particulier, c'est que ce ne sont pas seulement des salles de bal qui organisent des bals costumés et masqués, ce sont au départ les salles de théâtre, sur le modèle de l'opéra. Et là, tous les théâtres se mettent à en organiser. Mais des théâtres qui peuvent être des théâtres secondaires, où les bals sont accessibles à des tarifs relativement accessibles. Et donc, on a, de façon frappante, et ça croît avec après le Second Empire et avec le Second Empire, une sorte d'immense marché du bal masqué et costumé qui draine des publics populaires avec un décloisonnement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que les archives de Valentino et Frascati, qui sont deux salles de bal que j'ai mises dans ce numéro de mode pratique, elles sont extrêmement intéressantes, qui sont des archives policières, avec un œil obsessionnel qui est celui de la police, obsessionnel sur le trouble, sur le vol, mais aussi, et ça c'est très particulier, et ça rejoint ce que disait Gabriel, sur la précision de la description du vestiaire et de la sociologie des participants. Et ça, on y a très peu accès. Et donc, quand le bal est mal composé, bien fréquenté, mal fréquenté, on a des indices. Et ce que l'on voit, c'est que les mondes se mêlent. Prostituées, voleurs éventuellement, femmes de la bourgeoisie, journalistes, étudiants. Et donc ça aussi, c'est quelque chose... Enfin, ce mouvement d'essor, il s'accompagne de ce brassage particulier que permet, en fait, le masque, le domino, ce grand manteau long à capuche que l'on porte classiquement, et le costume. La police veille. Paris. Rapport du 14 janvier 1872. À 1h, la salle était comble. Les personnes costumées étaient beaucoup moins nombreuses que dans les nuits passées. Parmi elles, un bon quart était salarié pour entraîner la danse. Au nombre des individus payés se trouvaient deux jeunes gens, parfaitement déguisés en singes, et pour lesquels l'administration avait élevé exprès une sorte de trapèze où ils ont fait 1001 tours. Les gestes de ces singes étaient indécents, et devant eux, certaines personnes se sont retirées avec dégoût. Les femmes déguisées avaient des costumes de très peu de valeur. L'assistance était assez mal composée. J'entends dire que les personnes venues au bal appartiennent pour la plupart aux classes inférieures. Il y avait cependant des gens notables dans le commerce, la finance et l'administration. Les étrangers, contre l'habitude, y étaient fort rares. Les femmes non déguisées étaient toutes convenablement mises. Beaucoup d'entre elles étaient venues avec des hommes élégamment mis qui, sans doute, les entretiennent. Un rapport de police du 14 janvier 1872 sur la salle Valentino, une lecture de Daphné Leblond dans le cours de l'histoire sur France Culture. Alors oui, ça y est, là, nous avons ce regard policier avec, mais nous l'avons déjà évoqué dans le cas du cambrioleur travesti, des sources policières qui décrivent la nuit. Parce que c'est très dur aussi d'avoir accès à une compréhension d'un phénomène marginal, on le sent bien, sinon par le regard policier qui est déformant. Mais enfin, ça nous apprend beaucoup de choses. C'est la force de cette revue aussi. Mode pratique, c'est de donner accès aux sources directement, tant pour ce cambrioleur travesti que pour ces bals travestis. Et les sources, elles nous apprennent énormément. Elles nous apprennent énormément. Elles nous apprennent toutes des choses différentes, avec des registres de discours différents. Pour le bal masqué et costumé, la difficulté, c'est que ces bals ont généré un double discours très antithétique, qui est une sorte de discours fasciné sur cette pratique, sur la richesse des costumes, l'inventivité des costumes. Et puis surgit aussi un discours de réprobation morale sur les dépenses induites, sur l'argent que l'on cherche et que l'on vole pour rentrer au bal masqué, sur les désordres sociaux, moraux induits par ces bals. Et donc, du coup, on est un peu... il faut se méfier. Et les sources policières, elles aussi, livrent un discours parcellaire. Donc, il faut les... Mais après, c'est le travail de l'historien. Il faut les... ou de tout chercheur. Il faut confronter les types de sources dont on dispose. Mais elles sont énormes. Parce qu'il y a aussi les catalogues de costumes, les souvenirs, les publicités, la presse. Et tout ça mis ensemble... Et c'est ce que fait Mode Pratique, en confrontant toutes sortes de sources, d'images, de photographies, on accède à une pratique. Oui, Manuel Charpie, vous nous disiez, ce titre est un peu désuet, Mode Pratique. Mais alors déjà, c'est pas du tout désuet dans la mise en page, parce que c'est très très agréable à lire. Et puis c'est pas désuet non plus dans la démarche intellectuelle. Et l'accès aux sources, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir lire un texte qui n'est pas traduit par l'historien ou par l'historienne. Enfin, l'accès direct, c'est un vrai choix aussi. Oui, oui, c'est un vrai choix. Alors, il y a des articles, plus classiques, qui mobilisent des sources sans nécessairement les donner. Il y a d'autres articles construits autour de sources. On essaye de varier les formats, mais c'est vrai qu'on a il y a un plaisir de la source qu'on essaye de partager. Et l'autre chose, je pense, en vous écoutant, j'y pensais, on essaye aussi depuis le début de se dire effectivement que parfois on manque d'archives sur la mode, sur les pratiques. C'est-à-dire, vous avez évoqué au début les inventaires. Mais voilà, le fait d'avoir des vêtements ne dit pas exactement comment on les porte, quand on les porte, etc. Et donc, on s'est toujours dit qu'il nous manquait des sources et qu'on allait aussi, peut-être que la revue pouvait fabriquer des sources. Pas au sens de faire des faux, rassurez-vous, mais de se dire, voilà, produire des enquêtes aujourd'hui qui fabriquent de l'archive. Et on essaye comme ça, et je pense, sur les pratiques nocturnes de fête, je pense à... Il y a un entretien avec la dame pipi du Pulp, de la boîte de nuit Le Pulp, qui faisait des photos en fait, des clients qui rentraient aux toilettes, avec leur consentement évidemment, et habillés. Hein. Enfin, c'est pas... et elle a construit comme ça une sorte d'album photo, nuit après nuit. Elle faisait des petites expositions dans les toilettes. Voilà. Donc, il y a un entretien avec elle. Elle nous a confié une partie de ses archives. Donc voilà, c'est ça. On essaye aussi de collecter comme ça des archives qui ne sont pas nécessairement dans des archives publiques, mais pour... aussi, oui, c'est ça, fabriquer des archives pour plus tard. Bah oui, pour plus tard. Et puis, c'est aussi une démarche intellectuelle parce que les vêtements, la mode, a longtemps été en marge des préoccupations. C'était un peu comme dans un film où l'on regarde le réalisateur et éventuellement le scénariste. Et puis, on regarde pas qui a fait les costumes et les décors. Alors que sans les costumes et les décors, il n'y a pas de film. Donc, c'était aussi un peu cette démarche-là, c'est mettre en avant ce champ disciplinaire. Oui, complètement. Alors, on a souvent l'habitude de se plaindre en général, de pas nous, hein, mais non, mais de dire c'est un sujet négligé, mal considéré par l'académie, etc. On a plutôt pensé que c'était une chance, ça, que ça laissait la place à du voilà, plaisir et un peu d'improvisation aussi. Oui, ça reste un sujet marginal. Aujourd'hui, c'est quand même plus un sujet marginal. Il y a un tel poids économique de la mode, je pense que bon, ça impose aussi les choses. Mais je crois que ce qui nous intéressait, c'est un objet très plastique et qui permet de circuler à peu près dans tous les milieux sociaux. On l'a fait là déjà très bien en parlant des archives. On peut parler d'histoire des corps, on peut parler d'histoire économique, on peut parler... Enfin, en gros, c'est un véhicule qui nous a semblé très intéressant. Et puis aussi, tous les milieux sociaux, et c'est pas si ça concerne pas tous les objets, tous les milieux sociaux sont concernés par la mode et ont un savoir-faire, un savoir sur la mode. Donc voilà, ça nous paraissait intéressant pour ça. Et aussi, je termine, parce que finalement, la mode intéresse... Enfin, ça permettait pour nous aussi d'accrocher, le terme n'est pas très bon, mais enfin de s'adresser, plus exactement, à un public plus large que le seul public des historiennes et des historiens. Corinne Legoix, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université d'Orléans et secrétaire de rédaction, aux côtés de Manuel Charpie de cette revue Mode Pratique, et ce qui vient d'être dit là, c'est aussi au cœur de notre démarche dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est de montrer la vivacité de la recherche historique et que, vraiment, il faut le dire honnêtement, c'est très agréable à découvrir et à lire. On apprend des choses et en plus c'est plaisant. Oui, la vivacité de la recherche historique, oui, et je dirais quand même une chose, certes c'est un champ beaucoup plus défriché aujourd'hui, mais il reste énormément à faire, et la conception même de la revue le traduit. C'est-à-dire que en fait, je crois qu'on a fait la revue qu'on avait envie, enfin, dont on aurait aimé qu'elle existe, dont on aurait aimé pouvoir la lire. Et puis donc voilà, on l'a créé, et ensuite on cherche des thématiques de numéros, on les trouve. Mais en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que ensuite, on n'a pas, contrairement à tout fonctionnement de revue, un nom d'historien pour des thématiques qu'on voudrait traiter. Nous, on pense aux thématiques, et ensuite, alors il y a quelques historiens spécialistes de la mode, mais la plupart, ce sont des chercheurs, des artistes, des écrivains qui n'ont jamais abordé frontalement cet objet. Et donc, en fait, ce qu'on demande, et ça, c'est particulier, et en fait, c'est enrichissant pour tout le monde, il me semble, mais c'est un défi. On demande à des gens que nous connaissons plus ou moins directement, s'ils acceptent de nous proposer un papier dans le cadre d'une thématique en lien avec le vestiaire. C'est le pari qu'a relevé Gabriel, qui travaillait pas frontalement sur ces questions. Et donc, en fait, on oblige beaucoup de gens à sortir de leurs objets usuels. Et en fait, c'est, enfin, moi, je trouve que c'est assez excitant intellectuellement, à la fois pour quand on le produit et quand on se met à penser autrement. Et puis, et donc, voilà. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que certes, il y a des spécialistes, mais en réalité, si vous prenez tous les numéros, on les connaît, les spécialistes d'histoire du vêtement, et les autres n'en sont pas. Voilà, c'est pour ça. C'est très vif, donc, et il y a tout. Et puis, c'est juste de la volonté, vous voyez. Quand on veut, on y va, on peut y arriver. On peut même réussir à faire un striptease à la radio. Vous me direz que le déshabillage étant un art essentiellement visuel, il est difficile à la radio d'en faire démonstration. Eh bien, détrompez-vous. Nous en sommes au striptease vocal. Écoutez donc Magali Noël chanter strip rock. Trois petits papiers, ma chemise s'envole. Trois petits papiers, ma chemise est envolée. Et là, et l'amour, arrête-toi, arrête-toi, et fais-nous voir ça. Fais-nous voir ça, fais-nous voir tout ça, fais-nous voir tout ça, depuis le haut jusqu'en bas. Si vous m'offrez quelques diamants, j'accepte d'enlever mes gants. Je sais que j'ai la peau douce dans des tas de petits coins. Et voilà que soudain, sans prévenir personne, oui, le projecteur s'éteint. Oh, bon, on n'est pas vernis, les gars. Bah, si on est vernis, c'est le strip rock de Magali Noël en 1957. Bonjour, Pauline Mortas. Bonjour. Dans l'histoire que nous évoquons avec le vêtement ou l'absence de vêtement, on vient de l'entendre avec le striptease, la nudité, nous sommes au cœur des préoccupations. Alors, sur le temps très long, et alors le 19e siècle est tellement préoccupé de ça, c'est important d'avoir cette grille de lecture aussi sur tous ces objets d'étude pour voir comment le corps était un objet observé sans cesse, le corps à montrer ou surtout à ne pas montrer. Effectivement, et là, dans le cadre de ce numéro, Manuel Charpie m'a demandé de m'intéresser à un objet qui, pour le coup, est assez loin de l'ostentation qu'on peut avoir avec voilà, les costumes qui sont vraiment voilà, dans le jeu des apparences, etc. Puisque je me suis intéressée à des dispositifs qu'on appelle les ceintures anti-onanisme, qui sont donc des accessoires qui se mettent a priori en dessous des vêtements, donc on ne voit pas, et qui sont destinés à empêcher la masturbation, tant chez les hommes que chez les femmes. Et là, il faut revenir un peu en amont du 19e siècle, hein, puisque le grand siècle qui pathologise la masturbation, c'est le 18e. Et donc, ce que j'ai étudié dans le cadre de cet article, c'est un petit peu toute l'inventivité pratique et tout l'arsenal des dispositifs que l'on met au point pour contraindre le corps. Donc on n'est pas dans quelque chose de l'apparence, de la monstration du corps, mais justement quelque chose de plus répressif, de plus contraint, qui peut aussi en fait être détourné par les individus. C'est aussi ce qui m'a intéressée et qui rejoint un petit peu l'ambiguïté de la nuit, tant de sommeil, tant de la sexualité, tant de la fête, tant du repos, etc. C'est qu'en fait, ces objets, au fil du 19e siècle, et au fur et à mesure que les dangers de la masturbation reculent un petit peu dans l'imaginaire des gens, on croit moins au fait que la masturbation rend très malade, au fur et à mesure que cet imaginaire du danger recule, on assiste en fait à une sorte de resignification de ces ceintures anti-onanisme, qui s'enrichissent de tout un imaginaire fantasmatique autour de la ceinture de chasteté. Et on a toute une ambiguïté qui va se nouer autour de cet objet répressif qui devient en fait quelque chose de plus érotique finalement. Bah oui, clairement, un chaste sera la nuit. Pauline Mortas, vous avez mis un point d'interrogation au titre de votre article. Chaste sera la nuit, vêtements, accessoires et masturbation. France, fin 18e siècle, début du 19e siècle, avec, et là aussi, toujours ces archives, notamment des reproductions de ces... Ça paraît, vous dites pratique, moi je rajouterais pervers quand on voit. Non mais c'est très très fort d'imaginer combien. Déjà, il y a la mise en place d'un discours sur le danger absolu de la masturbation. Ça provoque quoi ? Qu'est-ce que ça provoque ? Mais vraiment tout ce qui est possible d'imaginer. On le met en lien avec l'hystérie, on le met en lien avec une sorte de dégénérescence sur le long terme, un affaiblissement, une sorte de neurasthénie. Ça débilite finalement. Oui, c'est vraiment, ça peut causer à peu près toutes les maladies. On peut relier toutes les maladies possibles et imaginables, à une pratique masturbatoire. D'où la nécessité, vous l'expliquez, d'empêcher absolument le contact entre les mains et le sexe. Et alors, certains s'attachent. Non, mais sur des chaises, c'est dur de dormir une nuit entière assis sur une chaise, les bras attachés. Oui, il y a ce cas de ce pauvre garçon. Ce qu'il dit aussi, sans doute, c'est une observation médicale à laquelle vous faites référence. Ce qu'il dit aussi, sans doute, le poids qu'on peut avoir. Ces injonctions médicales hyper normatives sur les individus. Ce pauvre garçon qui, effectivement, passe ses nuits attaché sur une chaise, les mains attachées, les pieds attachés. On imagine que son sommeil ne devait pas être très réparateur dans de telles conditions. Non, et puis alors après, il y a évidemment ces ceintures. Alors, mettons de côté la ceinture de chasteté médiévale fantasmée et il y a cette ceinture médicale réelle qui est un outil de torture. Il y a le modèle pour homme, le modèle pour femme. Absolument, oui, on les moule plus ou moins sur les parties génitales pour faire en sorte d'empêcher au maximum le contact des mains, mais aussi le frottement des cuisses. Et de ce point de vue, alors on n'est pas dans le regard policier sur les corps, mais là dans le regard médical. Et on dénote aussi des obsessions et une sorte de paranoïa de certains médecins qui décrivent des cas, alors notamment, c'est un regard assez genré là aussi, de fillettes qui parviennent à déjouer ces dispositifs, à se masturber avec des plumes, en frottant leurs cuisses, avec leurs talons, etc. Ce qui dit bien aussi une obsession et un rejet complet de la sexualisation du corps féminin. Voilà, et il y a un cas parmi tant d'autres, celui de Colette Renard. Quand doucement tombe la nuit, je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson. Je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement. Sublime Colette Renard dans le cours de l'histoire sur France Culture. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Daphné Leblond, avec aujourd'hui à la technique Étienne Rouge. Et nous lisons tous ensemble cette revue mode pratique, je dis bien au pluriel, revue d'histoire du vêtement et de la mode, dont le cinquième numéro est consacré aux nuits. Manuel Charpie, les nuits ont cela de particulier qu'elles autorisent tous les possibles. La nuit est un moment magique et fantastique. Quels étaient les précédents thèmes de la revue mode pratique ? Alors, le numéro d'avant portait sur les affections. C'est un numéro qu'on a un peu fabriqué pendant le confinement. Donc vraiment sur les liens intimes, réels, imaginaires, qu'on a aux vêtements. Comment on garde ses vêtements, en gros les vêtements sont des archives de nous-mêmes et de nos corps. C'était en gros la question principale. Le numéro précédent portait sur les saisons, c'est-à-dire à la fois sur la construction des saisons dans la mode, l'accélération des saisons, enfin, comment ça se construit, comment les saisons accélèrent, ce qui est une idée paradoxale, et aussi évidemment les questions de climat. Et puis le numéro 2 s'appelait « Sans la mode ». On s'est intéressé à tous les refus de la mode, voilà, que ce soit religieux, politique, donc tous les endroits, toutes les communautés qui refusent la mode, qui pensent refuser la mode, qui croient refuser la mode, qui souvent créent de nouvelles modes en refusant la mode. Donc voilà, ça va des Amish aux hippies. On a essayé de parcourir un peu de toutes ces pratiques-là. Et le premier numéro, c'était un numéro de démarrage, un peu avec une thématique un peu large, qui était normes et transgressions, mais voilà, qui permettait de lancer la revue de façon voilà, un peu plus large. Et ben, elle est bien lancée, cette revue Mode Pratique, avec Les Nuits, qui est un objet d'étude très intéressant là aussi, parce que nous touchons à tout un monde de réflexion qui est assez en marge. C'est ce jeu, en fait, où l'on est sans cesse dans ce qui peut être montré. On parlait d'un bal costumé organisé à l'opéra et de ce qui est caché. On parlait de l'onanisme. Gabriel Houbre, il y a de cela aussi dans cette vivacité de l'histoire que j'évoquais. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Cité. C'est d'essayer de comprendre au-delà simplement de ce qui pourrait paraître en marge, combien, à partir de la mode, on peut essayer, approcher, comprendre des sociétés. C'est un peu ce jeu intellectuel qui permet, par l'échange, par la confrontation, d'avoir ici, mais alors tant et tant d'idées. Je vous cache pas qu'en lisant Mode Pratique, on se disait, avec Maïwenn Guizhou et toute l'équipe qui prépare l'émission Le Cours de l'Histoire, que ça nous ferait autant de sujets d'émission. C'est ça, en fait. Ça vous permet, vous aussi, quand on vous appelle, de voir ce qu'il y a à côté, de dire, ah, tiens, ça me rappelle autre chose. Oui, d'ailleurs, on m'avait plutôt sollicité sur la prostitution de nuit, et en fait, j'avais un problème de source. Alors, je fais partie de la catégorie des historiennes qui ne sont absolument pas spécialistes du vêtement, mais repenties. Je me placerai dans la catégorie des repenties. Parce qu'effectivement, avec cet article, je me suis rendu compte que j'étais bien bête de ne pas faire davantage attention aux vêtements. D'ailleurs, j'ai changé, j'ai intégré ça dans mes cours. Enfin, bon, j'ai donné des gages de réinsertion là-dessus totalement. Mais pour revenir à ce que vous dites, oui, c'est quelque chose qui est absolument passionnant de se plonger dans l'univers du vêtement. Oui, parce que c'est bien cela dont il est question. Hein. C'est vraiment, Corinne Le Goy, de regarder le vêtement d'une autre manière. Non plus, et d'ailleurs le choix fait par la revue Mode Pratique, de ne pas prendre ces beaux papiers glacés qui souvent sont associés aux revues de mode. Et ben, c'est bien de montrer que non, c'est peut-être là aussi que l'on va trouver un biais pour étudier une société dans sa complexité. À la fois, alors refus du papier glacé, oui, enfin c'est un point très important. Quand on a pensé à ce qu'allait être la revue, on s'est dit qu'il n'en existait pas de revue, effectivement, comme le disait Manuel, en France, d'histoire du vêtement. Je partirais plus de là, et que ce qui existait, c'était des revues de mode, mais qu'on ne voulait pas être une revue de mode. Donc pas de belles photos en couleur. On a refusé la couleur. Alors ça a des limites, mais voilà, c'est pas seulement pour des raisons financières, hein, c'est aussi pour des raisons de parti pris. On a refusé le papier glacé. Il y a une police qui est une très jolie police, mais voilà, sobre, parce que voilà, on voulait sortir du discours qui quand même domine assez longtemps le regard, a dominé longtemps le regard sur la mode, qui est le discours fasciné sur le grand créateur ou sur le beau vêtement. Et en fait, non, le vêtement a des usages ordinaires, a des petites mains, a des gens qui les fabriquent, qui les vendent. Nous les portons au quotidien, nous les avons, les individus les ont portés au quotidien. Et c'était ça qu'on voulait rendre. Et avec ça, on touche à ce qui fait, le tissu ordinaire de la société, et non pas juste rentrer pour faire une histoire de Paul Poiret qui a son intérêt et qui est importante, mais qui en réalité ne dit pas grand-chose de la société. Et une fois que le vêtement est usé, il est jeté, voilà, récupéré, broyé, ouais, transformé en charpie. Manuel Charpie. pas de réaction. Ce qui est important, pardon, je suis un peu confus. Non, c'est la place des images. On a aussi essayé de réfléchir à ça. Évidemment, en travaillant sur la mode, l'image a une place importante. Il y a à peu près 450 images par numéro, donc beaucoup. Il y a un travail d'iconographie qui nous prend du temps, et même certains papiers sont presque construits à partir des images. C'est-à-dire qu'on pense que ça peut être au centre aussi d'une démonstration. Et cette iconographie photographie, on s'est aussi, comme le disait Corinne, éloigné de la photo de mode, voilà, du standard de la photo de mode. Il y en a, et on essaye, il y a par exemple un très bel article de Marlène Van de Castel qui revient sur les photos de Vogue et sur les plaintes, parce qu'il y a des photographes qui ont des photos de nuit, on ne voit pas assez les vêtements, enfin voilà. Donc on analyse ces photos-là, mais on essaye aussi de mobiliser des photos ordinaires, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on achète énormément d'images aux puces, sur eBay, sur voilà, des photos de famille, des photos de collectionneurs. On a travaillé avec Emmanuel Fructus, qui est une collectionneuse et marchande géniale de photographie. Il y a un article sur les marcheurs de nuit dans les années 50, quand on photographie les gens qui sortent du cinéma. Donc voilà, on essaye aussi d'avoir une documentation inédite, mais aussi qui est plus proche du quotidien finalement, et qui dit... Oui, qui parle des pratiques sociales, encore une fois. Et puis, nous touchons à la photo d'art aussi. C'est-à-dire qu'il y a de la belle photo, il faut le dire, entre cette photo d'archives, photo de tous les jours et la photo d'art. Et alors, effectivement, comme c'est une revue qui est éditée aussi avec l'école du Perret, l'école publique de mode à Paris, notamment sur ce numéro, Patrice Verdière, Céline Mallet et Mathieu Buard, ont travaillé avec des étudiantes et des étudiants qui ont lu les papiers, qui ont choisi leurs papiers, qui ont fait leur petit marché, qui ont fait qui nous ont proposé des photos. Donc c'est depuis le début de la revue, on a ça. On ouvre chaque article par soit une illustration, soit une photo actuelle. Voilà, ça nous intéresse aussi dans le dialogue avec aujourd'hui. Ça nous intéresse de voir comment des jeunes gens qui nous apprennent quand même plein de choses sur la mode, sur le genre, sur lisent ces papiers. Voilà, donc effectivement sur ce numéro, ce sont que des photographies, il y a d'autres numéros, c'était plutôt de l'illustration. Là, il y a un travail de photographie d'art, on peut dire ça comme ça. Oui. Cette revue Mode Pratique, c'est une revue qui est portée par l'école du Perret à Paris, vous venez de le dire, c'est le CNRS également, l'Université de Lille et l'Institut National d'Histoire de l'Art, hein, l'INHA. Donc, il y a du beau monde avec toujours cette question, parce que quand même, on parle de vêtements, c'est bien, mais alors où aller chercher ces vêtements si on veut être un petit peu en marge? Et s'il fallait une preuve que s'habiller est bien devenu pour la jeunesse un véritable jeu, nous l'aurions trouvé au marché de Saint-Ouen. Ce marché aux puces est devenu le lieu de rendez-vous d'un grand nombre de jeunes Parisiens, de toutes conditions sociales, à la recherche du vêtement amusant, bizarre, parfois excentrique et surtout pas cher. C'est tout de même une étrange idée que de s'habiller chez un fripier aux puces. Et vos parents sont d'accord quand vous vous habillez aux puces? Oh, ils rigolent sans... Oui. À moitié. À moitié, ça dépend. Ou si ça les amuse aussi. Et vous, mademoiselle, vous faites souvent des achats au marché de Saint-Ouen? Oui, j'en fais souvent. Pour quelle raison? Parce que c'est pas cher, il y a très jolies choses. Où découvrez-vous la mode? Eh bien, sur les pages de journaux et dans les clubs. Les clubs où vous allez danser? Oui. Et comme vous êtes, avec des bas blancs, des chaussettes blanches, oui. Un pull étroitement qui colle, oui. Un vêtement blanc, très maquillé, vous plaisez? Ah oui, moi je me plais. Bah oui, mais ça nous plaît aussi. En 1965, les fripes au marché aux puces de Saint-Ouen, donc au nord de Paris. Manuel Charpie, voilà, il y a aussi toute cette histoire, alors celle d'une économie très particulière, celle des fripes, et puis le désir de ne pas être comme tout le monde. Oui, bah... Effectivement, au cœur de la mode, il y a quand même les questions de comment on fait corps avec d'autres groupes de la société, comment on se distingue. Voilà, donc ça, on sait que c'est toujours rejoué. Et puis, il y a effectivement toute la question économique. Corinne l'a évoqué, on essaie d'être attentif à la production, au commerce, où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on revend. Ce qui est troublant dans la mode, c'est que, en caricaturant, un même vêtement peut coûter des centaines d'euros et puis peut coûter un euro dès qu'il est obsolète, dès qu'il n'est plus à la mode. Voilà. Effectivement, des endroits comme les fripes, je signale au passage la disparition annoncée des puces de Montreuil, qui est quand même pas rien aussi sur ces questions-là. Des lieux où on peut comme ça s'inventer. Le témoignage est génial. Elle dit, je regarde les journaux de mode et puis après on va aux puces de Saint-Ouen, on va aux puces... bricoler soi-même sa mode. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, y compris dans les milieux très populaires, on a une culture de la mode très très avancée, parce que c'est aussi quand même une manière, alors On a beaucoup parlé là dans la nuit de l'intimité, mais c'est aussi la mode un moyen d'être visible en public, d'apparaître en public, d'exister dans l'espace public. Et donc ça pose à la fois les questions d'identité, les questions de visibilité. Gabriel en sait quelque chose. Et une visibilité en termes d'identité sexuelle par exemple, mais aussi d'identité sociale. Donc voilà, effectivement, tout ça peut être revisité par le vêtement. Alors donc, aller aux fripes, aux puces, alors que ce soit à Saint-Ouen, à Montreuil, tant qu'elles existent, ou n'importe où en France, on va en trouver, ou alors aller dans un magasin bon marché. Et vous aimez bien venir passer un moment ici? Vous disiez que vous veniez 3-4 fois par semaine avant. Oui, j'adore, en vérité. J'aime bien tout ce qui est fripé, chercher, j'aime bien. Parce que des fois, il n'y a rien, mais des fois, on tombe sur vraiment des bonnes choses et à bon prix. Et vous fréquentez les puces aussi ou c'est la seule friperie? Les puces de Montreuil, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. C'est au milieu des années 1990 que Séverine Niquel avait enregistré à Guérissol, donc c'est boutique bon marché, pas très loin de Barbès à Paris. Manuel Charpie, ça nous dit quoi? Ça dit quoi à l'historien de... Oui, c'est un son qui pourrait sembler banal. Bah, je vais chercher un truc. Bon, puis je peux aller aux puces. Ça dit quoi? Les fripes me passionnent comme endroit d'observation. Encore une fois, parce que on peut imaginer que c'est l'endroit de toutes les imitations sociales. Enfin, où on va essayer d'accéder à des modes. Pardon. Et c'est vrai. Mais en même temps, dès les années 1890, au Carreau du Temple, par exemple, les consommateurs ouvriers disent. On veut surtout pas, et c'est confirmé par les sources, hein, on veut surtout pas de vêtements bourgeois. C'est-à-dire, on peut parfois acheter des vêtements du dimanche, mais ce serait ridicule en ouvrier parisien de Belleville de s'habiller en pseudo-bourgeois. On serait moqué par le reste de notre groupe social. Donc, voilà, c'est à la fois des endroits où on fabrique des identités, où on les travestit, où on les détourne. Où on bricole, en gros, des identités. Oui, c'est un peu ça, lors des bals costumés, où l'on va retrouver des gens venus de milieux populaires, et puis, alors, des gens de la haute qui viennent s'encanailler. C'est un peu comme aux fripes, où l'on va trouver des gens qui viennent acheter pour le besoin, et d'autres qui viennent acheter parce que ça fait chic. Histoire sociale, mais Pauline Mortas, on sent bien, et ça a déjà été évoqué par vous, hein, Gabriel Oubre, que c'est une histoire du genre. Parce que, dans votre étude sur la manière d'empêcher les petits garçons et les petites filles de se masturber avec ces ceintures, on sent nettement qu'il y a l'observation du corps et le fonctionnement. Vous l'avez bien dit, organes génitaux moulés, l'homme, la femme, ce n'est pas fait pareil, ce n'est pas la même ceinture. Histoire du genre au cœur, en fait, de toutes ces préoccupations. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant de ce point de vue, c'est que le regard médical, effectivement, porte sur tous et toutes. Avec, comme je le suggérais tout à l'heure, un regard plus marqué sur le genre féminin, dans la mesure où c'est sans doute mieux, enfin, comment dire, moins dans les représentations générales acceptables pour une fille, a fortiori une petite fille, d'avoir une sexualité. Et on retrouve aussi toute l'ambiguïté de ce 19e siècle qui, par ailleurs, dans sa pornographie photographique, hein, par exemple, met très volontiers en scène des très jeunes filles. Donc il y a un peu cette tension entre érotisation et refus aussi d'une autosexualité de la part des jeunes filles. Et puis dans votre article, vous terminez même avec cette idée, hein, est-ce que vous avez dit comment ces objets pratiques pour empêcher la masturbation deviennent des objets un peu sexualisés, et il y en a encore en vente aujourd'hui. Moi, j'ai appris absolument, ça. Absolument, les cages de chasteté. Oui, on a une très belle illustration très contemporaine dans le numéro, et c'est quelque chose qui est, à mon sens, super intéressant avec l'histoire des objets, cette histoire matérielle. C'est la manière dont, à la fois, ça peut être des objets qui contraignent, qui répriment, et en même temps qui laissent toujours, par le script qu'ils proposent, une marge de manœuvre aussi aux individus pour s'en saisir, pour les détourner, pour réinventer leur signification. Avec une marge de manœuvre peut-être un peu plus contrainte quand il est question des femmes, Gabriel Oubre. Oui, en même temps, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes, parce que pour les garçons, il s'agit surtout d'éviter qu'il y ait émission de sperme, puisque pendant une bonne partie du 19e, il y avait cette croyance que le sperme était en quantité délimitée dans chaque homme, donc il n'était pas question qu'un garçon se permette de dépenser comme ça à tout va sa semence, et qu'il fallait qu'il la garde précieusement pour sa future épouse et pour faire des enfants. Alors cet enjeu, évidemment, est moins présent pour les filles. Donc que ce qui sera intéressant, et ça je ne sais pas si Pauline a pu trouver des sources là-dessus, serait de savoir en fait quelles sont les ventes exactement de ces ceintures. Parce que moi là-dessus, je sais que par exemple pour les petites filles aussi, on va plus loin parfois, puisqu'il y a eu des opérations des clitoris pour empêcher les filles de se masturber, mais je pense que c'est extrêmement marginal, hein. Mais j'aurais bien aimé savoir, moi, voilà. Oui. Est-ce qu'on en a vendu beaucoup? C'est la limite des archives. Il y a ces publicités, mais toutes ces sociétés ont disparu, les archives aussi, sans doute. Pauline Effectivement, Mortas. Oui, la consommation, c'est un peu la boîte noire de toutes ces questions des objets intimes et liés à la sexualité, parce qu'a priori, c'est des choses qu'on ne transmet pas en héritage, qu'on ne garde pas forcément, qui sont plutôt cachées, etc. Donc oui, c'est très difficile à savoir. Après, les prix nous donnent quand même des indications sur le fait que, enfin, à la fin du 19e siècle, des ceintures de ce type peuvent se vendre plusieurs centaines de francs, ce qui les rend complètement inaccessibles et plutôt du coup du type de l'objet de collection fantasmatique en fait. Oui, c'est ça, parce que c'est beaucoup trop cher. C'est bien moins un dispositif effectivement du quotidien que voilà, un objet un peu intrigant comme les pseudo-ceintures de chasteté qu'on muséifie aujourd'hui. Qui ne date en fait pas de l'époque médiévale, mais sans doute du 19e siècle. Du 19e siècle, avec quand même un aspect sinistre là, d'un regard imposé sur les nuits. On l'a croisé aussi avec la police. Parfois, quand même, les nuits sont bien plus joyeuses. Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt. Wunde warten bis zuletzt. Manuel Charpie, mais que sommes-nous en train d'écouter? Alors, un des morceaux des Nuits de Berlin, c'est tiré de la série télé Babylone Berlin. Alors, on se disait en tête, enfin, vous disiez en annonce, c'est plus gay, en même temps, là, ça dit de cendres et de poussière, donc c'est assez relatif comme. Et en même temps, je fais une parenthèse par rapport à tout ce qu'on a dit. On s'est toujours dit, quand on travaillait sur la mode avec Farid Chenoun, Corinne, Patrice Verdière, que il y avait toujours un côté joyeux comme ça sur la mode de départ. Et puis en fait, dès qu'on commence à travailler, à rentrer dans le détail, c'est toujours un peu plus, plus sale, plus compliqué. Il y a toujours des ouvrières pas très bien traitées, des femmes dominées, des voilà. Là, c'est on entend ce son parce qu'on a fait un entretien avec Pierre-Yves Guéraud, qui est le costumier de cette série. Et donc c'est une série qui se déroule dans le Berlin des années 27, 28, 29. Et qui, où la nuit a une place très très importante, et c'est l'entretien est formidable. Pierre-Yves Guéraud raconte très bien comment il fabrique toutes ces images, le rapport qu'il a à l'histoire. Ça c'est très frappant et c'est très proche finalement. Enfin, ça nous parle en tant qu'historienne et historien. Il est à la fois très savant sur le voilà quel type de talon est à la mode en 29 et n'était pas en 28, etc. Et en même temps très libre. C'est-à-dire qu'il achète des vêtements aux fripes, par exemple, des années 70 qui imitaient les années 20. Et ça lui, voilà, donc des jeux comme ça d'emboîtement de temps. Donc voilà, il y a à la fois une grande liberté. Et puis, je sais pas, il donnait un exemple. Il a vu que Cecil Beaton, le photographe, dans les années, fin des années 20, utilisait des feuilles plastiques qu'il mettait sur les vêtements pour faire briller les choses la nuit. Donc, il y a effectivement dans la série d'un coup des feuilles plastiques. C'est pas anachronique, mais ça donne une sorte de contemporanéité aux choses. Voilà. Donc c'est ce qui nous a intéressé dans son regard. Et puis il raconte aussi très bien comment il invente des garde-robes en fait aux personnages de cette série qui a duré doit être la cinquième saison, je crois, où il y a à la fois des garde-robes de jour avec une progression sociale, ou voilà, que ce soit un déclin ou une ascension sociale. On est quand même en une période un peu compliquée dans ces années-là à Berlin, mais aussi où les gens se réinventent la nuit. Donc, il invente à la fois des garde-robes de jour, des garde-robes de nuit. Voilà, et donc c'est une sorte c'était très exemplaire en fait par rapport à toutes les questions qu'on se pose. Et puis, même dans le rapport à l'histoire, passionné par ce qu'il racontait sur les patines. Donc, il explique qu'il y a les patines de base, c'est-à-dire que, je sais pas, pour une veste d'ouvrier, bah, il faut la, une fois qu'elle est sortie de chez le fabricant, il faut mettre des sacs de riz dans les poches pour voilà, déformer, puisqu'un ouvrier a les poches pleines, pas d'argent, mais de plein d'autres choses. Et puis après, il y a les patines d'usage, c'est-à-dire comment on patine pour montrer qu'il y a la pluie, pour montrer qu'on a fait la fête toute la nuit, pour montrer que voilà. Donc, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles il revient. Et le voilà, tu vois. Un bel entretien. Corinne Legoy, dans le numéro 5, Les Nuits, j'imagine que dans le comité de rédaction, ça y est, tout de suite, on pense au numéro suivant. Une piste de réflexion. C'est plus qu'une piste, c'est-à-dire que nous avons le thème du numéro suivant et du suivant encore. Le prochain que nous allons mettre en route là portera sur le thème, c'est la main. La main. La main. Bon, bah alors, vous, Pauline Bortas. Voilà, et pas seulement cette main-là. C'est-à-dire que je ne sais plus comment l'idée nous est venue en discutant. Et la main, en fait, la main, c'est tout. C'est-à-dire, c'est la main qui fabrique, la main qui fait le geste de se vêtir. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Bon, bah, soir. Tout le monde va chercher, ça y est, c'est parti. Hein. Gabriel Oubre, sur la main, vous allez nous chercher un sujet. Pauline Bortas, Corinne Legoy, Emmanuel Charpy, merci vivement à tous les quatre d'être venus dans le cours de l'histoire pour nous présenter Mode Pratique, cette revue d'histoire du vêtement et de la mode. Le numéro 5, Les Nuits. Mais pour l'instant, la nuit ou la journée continue, c'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi Gustave Hervé, agrégé d'histoire, fut-il chassé de l'éducation nationale ? Dans la chronique que j'ai centrée sur la question du sabotage à la Belle Époque, j'ai commis un lapsus en présentant Émile Pouget comme le fondateur du journal anarchiste La Guerre sociale. Il s'agissait bien évidemment de Gustave Hervé, l'un des enfants terribles de l'éducation nationale. Né à Brest en 1871, dans un milieu très modeste, Hervé fut reçu à l'agrégation d'histoire en 1897. Nommé professeur au lycée de Sens, il débuta sa carrière de propagandiste en publiant un article violemment antimilitariste dans le journal local intitulé « Le travailleur socialiste de Lyon ». Cet article fit scandale, car Gustave Hervé fut accusé d'avoir incité ses lecteurs à jeter notre drapeau dans le fumier. C'est pour cette raison qu'à la fin de l'année 1901, il fut démis de ses fonctions par le ministère de l'Instruction publique. Depuis les années 1880, le formidable développement de la presse écrite avait bouleversé l'espace public. Pour exercer une véritable influence sur l'opinion, il fallait désormais utiliser l'arme de la provocation. Voilà pourquoi Gustave Hervé reprit à son compte la stratégie qui avait permis à Émile Zola de relancer l'affaire Dreyfus en 1898. Au-delà de ses convictions antimilitaristes, c'est la question de la liberté d'expression des enseignants que Gustave Hervé voulut placer au centre du débat public avec ses articles provocateurs. Sa révocation de l'enseignement fut le point de départ de ce qu'on a appelé l'affaire Hervé. Celui-ci eut ainsi le mérite de poser très tôt une question qui est toujours d'actualité concernant les rapports entre liberté d'expression et devoir de réserve. Néanmoins, la manière dont Gustave Hervé défendit ses convictions fut critiquée, y compris dans son propre camp. Sa révocation alimenta une polémique dont Hervé se servit largement pour accroître sa notoriété et lancer sa carrière politique. En décembre 1906, il fonda la Guerre sociale, un hebdomadaire subversif grâce auquel il devint l'un des maîtres à penser des milieux insurrectionnels. C'est dans ce journal qu'il popularisa la formule sur Mamselle Cisaille, appelant au sabotage des voies ferrées. Présenté comme un intellectuel courageux par ses partisans, Hervé suscita l'embarras des dirigeants du mouvement socialiste et notamment de Jean Jaurès. Charles Péguy se montra d'emblée très critique à l'égard de Gustave Hervé, en posant la question de sa sincérité. Est-il bien sûr que, dans son enjouement, il n'y ait pas eu du pelotage, courtisanerie, désir de plaire ? L'hypothèse de l'imposteur se vérifia par la suite. Devant l'échec de ses initiatives pour déclencher la guerre sociale, Gustave Hervé fut en proie au désenchantement et aux désillusions. Il finit par dénoncer ce qu'il considérait désormais comme une apathie congénitale du mouvement ouvrier français. Peu de temps avant le début de la Première Guerre mondiale, il rejoignit le camp des nationalistes conservateurs et, en 1935, il publia un recueil d'articles sous le titre « C'est Pétain qu'il nous faut ». L'itinéraire de Gustave Hervé fut donc un exemple prémonitoire de la trajectoire de ces étudiants révolutionnaires en mai 68 qui sont devenus par la suite les idéologues du camp conservateur. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission habillée à coutrée vêtue par Jeanne Delecroix, Toscane Viudet, Jeanne Coppa, Gillian Tilly et Maïwenn Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.